Je vais me tourner vers vous, président Bandakani, pour continuer de parler de ce fameux rapprochement. Est-ce que vous partagez l'avis de ces Africains-là qui pensent que une alliance ferme et concrète entre le Mali et le Burkina Faso signe véritablement la fin de l'emprise coloniale du côté de l'Afrique de l'Ouest? Je pense qu'il faut accorder les réflexions liées à ce rapprochement avec l'histoire du panafricanisme, de toutes les tentatives ici et là qu'il y a eu pour soit regrouper des États, soit concevoir une fédération politique de niveau continental. Il faut analyser les raisons des échecs. De nombreux échecs. Oui, de nombreuses tentatives qui ont échoué. Et tout à l'heure, Mandela a convoqué le cas de Nkrumah. Il faut les analyser pour faire quoi? Pour faire la part des choses entre l'idéal, ce que nous pensons être bon, et les faits. C'est-à-dire ce qui s'impose à nous, ce qui est faisable là. Indépendamment de toute dynamique ou tutelle idéologique. C'est ça qu'il faut faire, parce qu'aujourd'hui, les deux États sont confrontés à des problèmes réels. Ça, c'est au niveau de la méthode et au niveau un peu pédagogique. Quand on a fini de dire ça, il faut remarquer une ou deux choses, c'est que nous, le panafricanisme de ce temps-ci, cette époque-ci, que nous assumons, on est passé d'une phase à une autre, il faut regarder les évolutions. Ça a été un panafricanisme tribunicien médiatique. Feu Bungi Masaga appelait ça le panafricanisme pétitionnaire. Du haut de sa grande expérience historique, évidemment, qu'on peut lui reprocher le fait que c'était un peu le complexe d'un vieux prophète, parlons comme ça, face à des jeunes prophètes que nous sommes. Il disait pétitionnaire, mais il admirait beaucoup le combat qu'on menait. Il appelait ça pétitionnaire. Il n'est pas totalement tort parce qu'il estimait que ça restait encore des dénonciations, c'était médiatique et tout et tout. Alors on est passé d'une phase de dénonciation, on a construit une opinion afro-mondiale, puissante. Mais attention, on est entré dans quelque chose d'extrêmement nouveau. Il y a des États qui se revendiquent ouvertement de notre démarche. Il faut voir les évolutions là. Alors là, on va être obligé de concilier le panafricanisme de la dénonciation géostratégique médiatique et un panafricanisme de gouvernement. Il faut concilier les deux. C'est ce qui est en face. Vraiment parce que ces États font face à des problèmes concrets. L'insécurité. Avec tous les ravages que ça a apporté dans leur pays. Ravages. L'insécurité qui a annexé les souverainetés conquises de haute lutte. Et des conséquences, les effets. La pauvreté de la population. La faiblesse économique du pays. Évidemment, sa vulnérabilité stratégique. Le Burkina Faso et le Mali partagent ça. Dans un début, j'ai dit qu'on a tiré les leçons de l'expérience. Il y a eu la fédération du Mali, on voit tout ça ici. On sait pourquoi ça a échoué. Senghor, en fait, c'était le grand Mali qui se refaisait, puisque le Soudan, le Mali, c'était le Mali de l'époque. Le Sénégal, ils ont voulu se remettre ensemble. Ça a échoué pour des raisons qu'on connaît. Les différences de tempérament, tout ça. Et puis, les manœuvres de la France, c'est évident. Toujours. De la France, c'est évident. Ça n'a pas marché. Il a convoqué l'Irak en Afrique centrale. On connaît ce qui s'est passé. Oui. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, quand on tire les leçons de l'expérience, on voit que il faut à ce niveau être très concret. Que les États se concentrent, c'est que chaque État dit que moi je ne peux pas faire ça, ça me dépasse. Toi tu concentres, tu ne peux pas faire ça. Allez, comme ça nous dépend de deux, faisons ça ensemble. Faisons ça ensemble, on va réussir. Et il est sûr que si cette dynamique marche bien, ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura un phénomène d'entraînement obligatoire. Parce que les succès, n'est-ce pas, de la démarche feront que il n'y a pas plus grande promotion pour l'africanisme que ça. De voir que ben, l'affaire, si ça a marché, ben dis donc, continuons, allons à tel niveau. Dans un contexte où nos États sont en train de sortir de la vieille ère de domination occidentale, on comprend très bien que ces États soient de forme de débris étatiques. Et que bon, quand on construit à partir de débris étatiques, permettez-moi l'expression, mais c'est une vérité. Quand on construit à partir de débris étatiques, il faut considérer qu'effectivement, pas des débris. On a dû partir à partir de débris. Les États, l'Union européenne, bon, si on prend comme modèle, encore que ce n'est pas un modèle, mais bon, puisque les gens composent, puisque c'est le modèle de l'Union africaine. L'organisation vaurienne là. Oui. Vaurienne là. Oui. Qui vit du salaire de l'étranger. Sans avoir honte. Ils ne peuvent pas construire leur siège. La Chine construit leur siège. On a fait cadeau. Ils viennent dire, il y a les micros chinois. Mais vous voulez qu'il y ait les micros des martiens? C'est ça. Vous voulez qu'il y ait des micros des martiens? C'est normal que les Chinois mettent leurs micros. Je dis que c'est normal que ce continent n'ait pas mesure de construire un siège pour son organisation continentale. Mais il vient se plaindre, au lieu de se tailler, d'autres même se plaignent que la Chine a mis parce que c'est Paris qui est venu souffler ça à son valet de service, Mahamat. Il a mis les micros, machin. Depuis quand la Chine doit construire le siège de l'unité africaine, c'est ça. Mais c'est déjà entendu ça au 21e siècle. Alors du coup, on veut péter l'Union européenne. C'est pas un modèle pour nous, il faut oublier ça. Pas un modèle pour nous. D'abord, les pays qui ont commencé à construire l'Union européenne, comme sont pour le cas de l'Allemagne et de la France, étaient depuis déjà extrêmement puissants. C'était des puissances. L'Allemagne a une puissance économique. Effectivement. Même si elle sort de la guerre qu'elle a perdue, elle a une puissance économique, c'est clair. La France est une puissance coloniale et là elle est restée. C'est la seule puissance coloniale qui est restée en colonisation directe jusqu'au 21e siècle. Elle est encore là. Ils sont fédérés. Mais maintenant, les colonies, écoutez bien, on parle français. Des colonies, quand ils veulent se mettre ensemble, c'est une union de colonies. C'est pas l'africanisme, ça. Attention. L'Union africaine de l'époque, là où il y a l'organisation de l'unité africaine, quand le professeur Pondu le dit, s'il nous suit là, il sera content. On a même à lui demander, elle a fini son travail avec les indépendances formelles, et il fallait continuer la lutte contre l'apartheid, tous ces consorts, et la colonisation qu'il y avait, portugaise, qu'il y avait encore dans la ligne de front. On appelle ça la ligne de front, c'est-à-dire Namibie, Mozambique, tout ça, machin, Angola. Mais après ça, c'était quoi l'organisation de l'Union africaine? Mais c'était une assemblée de colonies. Mais c'était pas ça. Ils avaient leur monnaie. Ils avaient une diplomatie. Ils avaient quoi? Ils étaient tous guidés par les accords secrets de coopération qu'ils interdisaient de parler. Aucun ne pouvait faire la diplomatie. C'est la France qui faisait ça à leur place. La monnaie, c'est Paris qui gérait à leur place. Ils veulent acheter une chemise à l'étranger. C'est Paris qui doit décider à quoi le temps de la chemise. Ils veulent faire un gouvernement. L'ambassadeur de France doit viser à défaut d'envoyer à Paris. Tu déranges De Gaulle, envoie Foucault, on coupe ta tête. Alors, ils se mettent ensemble, ils créent l'Union, l'organisation de l'Unité africaine. Et nous, on croit à ça. C'est un des rêveries. C'était un ensemble de colonies qui ont créé une super colonie qui dépendait de la grande coloniale française. Rien de bon ne pouvait pas être. Pouvait sortir de l'organisation de l'Unité africaine à partir du moment où les combats d'indépendance étaient terminés. La preuve, qui régnait là-bas? Au Fouet. Le ministre des Affaires étrangères de la France. Numéro 2. Parce que le ministre des Affaires étrangères de la France en Occident, mais quand c'était de l'Afrique, c'était Oufouet Boigny. C'est tout. C'est Oufouet Boigny. Et les Senghor. Quand on attendait d'eux. Attention, même si c'est revendu d'être l'organisation panafricaine, ce sont des discours. Oui, c'est clair. Après ça, alors, l'Union africaine, c'est Kadhafi voulait donner du sens. On l'a tué pour ça, non? Oui. On l'a massacré pour ça. Ça s'est arrêté et l'Union européenne est venue annexer le projet de Kadhafi. L'Union européenne a annexé le projet de Kadhafi. Pour faire le machin qu'on voit là, le truc qu'on voit là, le monstre honteux qu'on voit là. Donc il faut couper la tête le plus rapidement possible. Avec les Mahamat et consorts. Payer des salariés de l'Union européenne, osent parler au nom de l'Afrique. C'est terrible. Mais si on n'est pas en mesure de payer nos salaires de l'Union africaine, appelez ça annexe de l'Union européenne. Le mot est simple. Il n'y a plus de débat là-dessus. Mais il ne faut pas appeler ça Union africaine. C'est une usurpation honteuse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tout en prétendant qu'elle continue le combat des pères fondateurs. Vous vous rendez compte? Normalement, elle continue le combat des pères fondateurs. Tous ces députés de l'Union africaine là, qui sont assis là-bas, là, ils perçoivent, on les paye en euros et consorts. Ils font quoi là-bas? Ce combat des pères fondateurs, ça. Hein? Mais ils usurpent. Vous voyez pourquoi on usurpe les héritages authentiques pour conduire ça à d'autres fins? Vous voyez pourquoi nous, on est clair depuis un bout de temps que ce n'est pas une organisation pour l'africanisme? Non. C'est continental, oui. Alors, avec ça là-bas. Mais ce n'est pas une organisation panafricaniste. Oui. Attention, c'est la escroquerie. Et c'est en train de culminer avec la ZELECAF. Tout le monde dit, oh, c'est le grand sommet. C'est n'importe quoi. La ZELECAF, c'est un vaste marché africain. Point. Maintenant, si les colonies font un marché, c'est un grand marché colonial. Vous aurez de la croissance, vous n'aurez aucun développement. Attention. C'est ça qu'il s'agit. Mais c'est une duperie de haut niveau qui opérait à nous faire croire que non, l'Union africaine en l'état est panafricaniste. Mais comme mon ami Tidjane Kadjo nous excuse dans ce ministre des Affaires étrangères du Sénégal, on a eu un débat à Yaoundé là-dessus. Alors là, on s'est compris, monsieur le ministre. Si vous l'écoutez, on comprend très bien. Non, c'est pas une organisation panafricaniste, ça. Il faut arrêter ça. Loin s'en faut. C'est une exploitation de la bureaucratie européenne, point. Périphérique. Chargé, quand quelque chose. C'est la friperie politique à tout point de vue. Qu'un dossier, les vrais dossiers sont là-bas, qu'elles ont fini. Bon, ça c'est quoi? Bon, allez, envoyez ça à l'Union africaine là-bas. les vaccins périmés, envoyez ça à l'Union africaine. Il n'y a plus d'économie chez nous. On a plus les avantages que le gaz nous donnait. Allons le conquérir l'Afrique. C'est les CAF. Allez faire ça là-bas. Les gens font le plus grand. On a fait un grand marché comme ça. On fait un marché. Il n'y a aucun champion africain en économique. Aucun champion qui peut dire que le marché là m'arrange. Ouais. Faites-moi un seul, il n'y en a pas. Une colonie, vous n'avez pas de monnaie. Vous êtes dans les rentes et les stations. C'est les CAF. Vous n'avez même pas la puissance de Poutine qui peut faire une, qu'on appelle une géoéconomie du gaz et des matières premières qu'il vend. Ouais, et on voit la puissance. Ouais. Vous n'avez rien. Vous ne fixez même pas les prix de ce que vous vendez. C'est ça. Rien. Mais vous faites j'ai les CAF, j'ai les CAF. Et vous voulez que nous on vienne applaudir. Donc c'est clair. Ça, c'est le premier objectif panafricanisme. Le panafricanisme révolutionnaire, digne de ce nom, a commencé sur ce plateau-ci et est en train de prendre maintenant de l'envol avec les deux États-là. On les compte. On compte ça du bout de la main. Le Burkina et le Mali sont dans une expérience, commencent une expérience authentiquement panafricaniste. Maintenant, on verra. Il faut encourager ça. Un panafricanisme sécuritaire. Il faut commencer simplement. Pas de trop grand chose. Sécurité d'abord, commencer. Les deux pays ont un ennemi commun. Ils ont les mêmes problèmes. Et dans l'histoire, c'est le même peuple. Il manque quoi? Les 10 ans se rapprochent. On fédère nos énergies sur le plan de la sécurité. On réfléchit aux stratégies militaires. Comment faire pour vaincre le terrorisme, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Union Européenne et l'Angleterre? La communauté internationale. Autoproclamée. Ça, c'est le but là. Et c'est fondamentalement panafricaniste. Parce qu'il n'y a pas seulement panafricanisme quand plusieurs États se mettent ensemble. Il y a panafricanisme quand il y a une démarche politique. Les objectifs visés sont panafricanistes. C'est-à-dire qu'on est là, dedans, là. Parce qu'on voyait tous les problèmes que le Mali a. Depuis le jour, il a dit, je prends en main ma sécurité. Mais attendez, qu'est-ce qu'on envoie au Mali? Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que le Mali a fait à la communauté internationale? Non, elle a seulement dit, je prends en main ma sécurité. Mais comme c'est une communauté internationale de terroristes qui financent, qui protègent, qui entretiennent, qui pensent le terrorisme, qui fabrique les terroristes, elle a compris que les gars, ils ont déclaré la guerre. Alors, dans telle situation, que le président Assimi Goïta le veuille ou pas, il est en situation panafricaniste. Qu'il le veuille ou pas, qu'il le veuille ou pas, tout ce qu'il va faire est panafricaniste. Il n'y a pas le choix. Parce que chaque fois qu'un État africain est confronté à une bataille de survie face à un État impérialiste occidental, il n'a pas de remède, il n'y a pas de solution. C'est la dynamique, c'est le panafricanisme qui va le faire s'en sortir de là. Pas le choix. Pareil au Burkina Faso. Et nous devons saluer ce président, ce capitaine. Mais ce gars, sans parler, fait des choses. Hein. Il a commencé par dire que je chasse les voyous. C'est quoi encore la mettre? La force, ça s'appelait quoi? Le Barkhane. Non, au Burkina, là. Ça avait un nom, là. Sabre. L'opération Sabre. Voilà, Sabre. Ils ont tous des noms bizarres. Donc, il dit, je chasse Sabre. Pendant que Sabre était en train de partir, il dit, non, c'est tout la com' militaire qui est dénoncé par terre. C'est sérieux ça. Dis n'importe quoi, c'est sérieux ça. Le gars comprend que ma situation est grave. J'ai perdu plus de 65% de mon territoire dans les mains des terroristes. Dans ces régions-là, les gens se nourrissent, sont retournés à l'âge de la pierre taillée, à l'âge paléolithique. Les gens mangent les branches d'arbres et tout. Vous partez là-bas, il n'y a plus de branches d'arbres, c'est les gens qui vont manger. Il a dit dans son discours, il ne blague pas. Il se grave, il prend la mesure. Premier voyage hors de son pays, Mali. On dit, tu ne sois pas trouvé, je ne suis pas un touriste. Je sais ça, mon prédécesseur. C'était un grand touriste. Bon, laissez-le ça. J'ai des problèmes sérieux. Et depuis, ils sont en train de travailler. Ils renforcent leur coopération. Ils réfléchissent comment bâtir des alliances globales. Mais ça vous dit rien de voir que pour la première fois depuis des années, deux pays africains coopèrent comme ça. C'est des choses sérieuses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est-à-dire, ça soit, ils pensent à leurs problèmes. Ils disent que non, c'est nous là d'abord, causons, voyons cette affaire nous-mêmes. Ça fait trop longtemps, c'était possible avant. Tu vas voir une réunion, il y a 10 noirs, il y a 20 blancs. Pour parler de l'affaire des deux petits conseils des pays africains, il y a 20 blancs. Comment l'Union africaine? Dès que vous voyez l'Union africaine, vous voyez, il y a 100 africains, il y a 200 blancs qui se baladent dans la salle. C'est leur réunion. Et on veut nous ramener les Israéliens également. Nous, d'abord, ben voilà, ben, attends. Il ne manque que. Il ne manquait que. Ils sont venus. On refuse Haïti. Haïti. Haïti. Haïti. Haïti. le père des nations noires de l'époque contemporaine. Haïti. Première révolution contemporaine de l'histoire, Haïti. On refuse Haïti à l'Union africaine. Mais on est enclin à accepter Israël. On discute. Discutons. On ne va pas discuter avec Haïti. On ne s'occupe même pas de Haïti. Pourtant, on a mis pour tromper les gens que la 40e province de l'Union africaine, la diaspora, 40e province, ils ont soufflé un truc là. Ils disent que normalement, là, c'est fort. On a battu le record de panafricanisme. On ne parle même pas de Haïti. On ne s'occupe même pas de leurs frères dans les Caraïbes. On ne s'occupe même pas. L'Union africaine, une organisation comme ça, vaut rien. Vaut rien. Ça n'a rien au continent. Donc vous voyez deux pays, deux États, en guerre contre la communauté internationale, n'est-ce pas ? En guerre contre la CDAO. Comment on peut appeler ça ? Ça dit qu'il faut trouver un autre nom. C'est le caleçon de chambre de M. Macron. La CDAO. Oui. Hein? C'est le caleçon de secours. Monsieur Macron. C'est même que le caleçon, il prend la CDAO. Il dit que bon, ça va, je porte ça en attendant. La CDAO. CDAO. Un truc horrible comme ça. Horrible. Dès que les Burkinabés, le Mali veulent travailler, ils disent qu'on va créer une force anti-Poutre. Mais pendant plus de 10 ans, ces deux pays ont été détruits par les terroristes. La CDAO ne pensait pas à une force anti-terroriste. Jamais, jamais ils n'ont pensé à une affaire. Il y a un Tintin là qui dit qu'il est présent de l'Assemblée de poids de la CDAO. Un véritable Tintin. Hein? Il est menacé, il dit vraiment, on va mourir de langue. Personne ne sort de la CDAO. Mais c'est la sorcellerie. C'est quoi, c'est la sorcellerie? Le deuxième vice-président de la commission. Vous l'appelez qui? C'est, non, c'est, il s'appelle qui ce baptiste, monsieur? Son nom m'échappe, je vous donnerai son nom. Monsieur, n'appelez pas son nom ici. Il n'appelle pas son nom ici. Ce monsieur, c'est une calamité. Il ne faut pas l'appeler ici. Il y a des noms qui vont nous endeuiller pendant des années. Non, on va parler de ça aussi. Il est devenu fou en public. Oui. Fou aliéné en public. Personne ne part. Pourquoi? Parce que le premier ministre de Burkina Faso et son homologue du Mali se sont rencontrés. Ils ont dit résistons la fédération. Les gars sont devenus fous. Et ont montré. Maintenant tout le monde sait ce que c'est que la CDAO. La CDAO, intégration sous-régionale. N'importe quoi. N'importe quoi. Les garçons de course de M. Macron, les garçons de course de la communauté internationale pour tuer le peuple. Tuer le peuple. Belle Momo. Il dit tuer le peuple. Vous avez vu son président l'autre jour. Oui. C'est quoi? Sissako Embalo. Sissako Emballage. On va rester courtois, président. Je ne suis pas courtois. Il vient de recevoir Bozizé. Je ne suis pas courtois. Je ne peux pas le courtoiser envers les emballages de ce genre. Bozizé est parti du Tchad pour venir chez lui et à partir de chez lui, il dit que je vais attaquer. Oui. Il est chez l'emballage. Oui. C'est-à-dire celui qui emballe tout ce qui est mauvais contre l'Afrique. Vos propos vous engagent. Vous dites? Vos propos vous engagent. Ça vous a engagé un jour. C'est bon? On nous engage. Donc, vous voulez que Monsieur Emballage, Emballo, il va en Tunisie. Au nom de la CDAO, il ne parle même pas des Africains qui connaissent le massacre. Oui. Il ne dit rien. Il va défendre le bourreau. Le criminel président tunisien, il va le défendre. Le petit criminel, c'est apprenti criminel de Tunisie là. Il va le défendre. Il ne parle même pas des Africains. C'est frère noir. Pour Embalo, c'est-à-dire que les gens qui dérangent la Tunisie là, vous êtes un. C'est-à-dire vous emmerdez. C'est-à-dire vous êtes une calamité qui vous envoie déranger la Tunisie. Un noir étranger en Tunisie. Un noir étranger en Tunisie. Qu'est-ce que le premier habitant de la Tunisie? C'est. Ouais. Un yé comme le président tunisien. Yé comme ça. Qui? Il a le même papier. Oui, oui. Hein? Monsieur Kaïs, vous l'appelez qui? C'est Kaïs? Kaïs quoi? Kaïs Sahel. Kaïs Sahel. Il parle de quoi? Mais il vient d'arriver là hier. C'est pour qu'on en dans l'histoire. Mais Embalo, président de la CDAO, il est parti nous menacer. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à monsieur Kaïs? Tu sais pas, c'est Kaïs Caillou, c'est quoi? Tu sais pas ce que c'est? Pourquoi on s'en prend à monsieur Kaïs Caillou? Pourquoi on s'en prend à lui? Donc il nous menace. Il dit non, vraiment, ce monsieur-là, c'est pas un raciste, monsieur le consort. Tu ne dis rien de tes frères qui souffrent. Il est quoi? Président de la CDAO, organisation sous-régionale. Ils ont des statuts, des tests écrits, des sièges, ils votent des budgets. Pour faire quoi? Tu ne vois pas ce qu'ils font. Et le jour où un pays africain veut se lever, la CDAO sort sa longue tête et te menace. Sani, Madame Chaïbou, je vous ai retrouvé le nom du président. Je ne peux pas citer ça. Deuxième vice-président du Parlement de la CDAO. Ça veut tout dire. C'est-à-dire un vrai Tintin. Donc vous voyez très bien les enjeux. On va sortir par là. Oui, vous voyez très bien les enjeux que les deux pays sont en train d'affronter. Oui. C'est pas un jeu. Qui le veut ou pas, ils jouent leur suivi. C'est tout. Ils jouent leur suivi. Ils vont faire ça. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils sont entourés par qui? Pas le temps à la police ainsi, non? L'homme le plus grand économiste du ciel et de la terre, vous le connaissez, non? C'est-à-dire, avant lui, il n'y a pas d'économie. Après lui, il n'y aura plus d'économie. Vous le connaissez, non? C'est-à-dire, quand vous donnez un pays qui est à terre, il redresse ça en 3 minutes. Avec les chiffres, il parle de croissance à moins 0, à croissance à 15 chiffres. Voilà. Ah, vous l'avez vu sa photo? Je ne peux pas citer les noms. C'est-à-dire, vous voyez ce monsieur-là? C'est le plus grand économiste. C'est-à-dire que avant lui, il n'y a pas eu d'économie. Après lui, il n'y aura plus d'économie, maître Moumou. C'est-à-dire, c'est lui. Il dit que la Côte d'Ivoire, elle a trouvé ça, c'était à croissance moins 0. Il a remis sa croissance à 18 chiffres. Très avancé. Tu as basé. Apparemment, celui-là, il commence à tomber. Ça commence à tourner un peu. Sauf s'il est dans un jeu. Il est obligé d'aller voir son frère. Oui. Obligé. Après avoir gueulé, braillé. Oui. En réalité, il le rattrape. On va le chasser bientôt. Les militaires sont un peu sentis réfléchir. Pour moi, le chasser. Il commence à sentir ça. Que bon, je suis étranger. Il faut que je redevienne vraiment nigérien. Oui. Il faut que je redevienne rapidement nigérien. Oui. Et que le Drian et Macron ne me sauveront pas. Parce que Macron lui-même, ses jours sont comptés en France. C'est tout. Eh bien. Vous comprenez cette affaire? Oui. Donc, voilà les enjeux qui a derrière cette affaire. Donc, ces enjeux-là sont éminemment panafricanistes, dans le sens où il est question du pays, la rupture, de renverser un ordre de domination qui est multiséculaire. Il est question de sortir le peuple et le pays des griffes de l'ennemi qui est assis sur le pays. Ça, c'est éminemment panafricaniste. Et ils ne peuvent qu'être panafricanistes, même si pour un départ, c'est un panafricanisme militaire. L'européanité se construit autour de l'acier. Oui. Vous voulez qu'on parle de ça? Oui. Au départ, c'était l'acier, non? Effectivement. Charbon, l'acier, non? Mais si, c'est la CECA, n'est-ce pas? Oui. Après, ça a commencé à Evo. Oui. C'est pas un modèle, mais je prends ça comme une référence. C'est-à-dire, oui, merci. Un exemple historique, merci, mais c'est pas un exemple. Ça a commencé, donc. On peut commencer un panafricanisme militaire de défense. Point de départ. Où les deux États peuvent créer un état-major, un état-major commun, se partager, mutualiser leurs énergies, gérer leurs frontières ensemble, s'échanger les infos, consolider leurs alliances globales. Le Mali est avancé. Allez, le Burkina suit et tout et tout. Et les autres. Vous allez voir comment ça va marcher. D'autres, ça va marcher. C'est tout. Vous comprenez ça? Souhaitons que rien ne les arrête, que ça marche. Ils ont notre soutien. Ils ont le soutien de nos illustres prédécesseurs. Ils ont le soutien du vrai Dieu. Merci à vous, Président Bandakani. Afrique Média, le monde, c'est nous.